Planète Rap, 100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. Il est là en pleine forme de retour. Cette année 2015 sera-t-elle la sienne? Yeah, sûr et certain, c'est sûr l'année Black. D'ailleurs, j'ai dit, j'ai pour habitude de dire depuis le début d'année, c'est bonne année 2015. Ah, bonne année 2015 à toi alors. Voilà, bonne année 2015 parce que c'est l'année de Blackie. Et ben de retour dans la nocturne. Ça fait plaisir, ma main Fred, chez qu'on ça fait super plaisir de te voir. On se croise de temps en temps, on parle de Molly d'or ou je sais pas quoi avec le gars Curtis. Ça fait plaisir en tout cas. J'espère que tu vas bien. Les mecs sortent les dossiers d'entretien. On a à peine commencé. On s'installe à peine, 30 secondes, ça sort les dossiers quoi. Des bails de piscine en hiver, tu vois, tu restes prêt. Quand on a un vidéo, on y va. Sinon, on reste poli. Sinon, l'entrée est un peu tendue. Sinon, mais quand on est invité, on y va. Ah là là là là. Ça va, Fred? Bah, et toi? Bah, écoute, ça va super bien. C'était une semaine particulière, en tout cas. Je suppose que toi aussi, t'as été touché, évidemment, par ce qui s'est passé. On a tous été touchés. Bien évidemment, tu vois, en tant qu'artiste, moi, j'ai pour habitude de dire qu'être artiste, c'est être libre. Et là, pour le coup, on a été touché en plein cœur. Et donc, une grosse pensée pour les victimes de ces différents attentats. De ce carnage. Et tu vois, que soit Charlie Hebdo ou la policière à Montrouge là, c'est très triste. Une forte pensée pour les familles des victimes. Ouais, toute cette violence, en tout cas, ça va faire aussi du bien de s'aérer la tête avec du son, je le dis, parce que c'est vrai que en plus comme on est submergé d'images sur internet et tout, il y a un moment où ça devient lourd, mais il faut continuer à vivre exactement. Je pense que ces artistes là, ces journalistes, ces artistes auraient eu envie qu'on continue. On continue notre combat, on continue à diffuser notre art d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que ça a été la question, nous on se l'est posé ici à Skyrock. Il y avait Lino dans Planète Rap qui est passé, même sur la radio libre de Difool, c'est une question qu'on s'est posée. Et puis on s'est dit, attends, je pense pas que les mecs auraient aimé qu'on mette que du best-of. Et puis quelque part ils auraient gagné aussi. Donc il faut continuer, il faut aussi continuer avec le sourire. Continuer à être là, essayer de rire le plus possible, même si les moments sont durs. Mais voilà, de garder cette tête haute et de montrer que on est tous ensemble, tous rassemblés, tous unis. Et on sait très bien que ça n'a absolument rien à voir avec aucune religion, quoi que ce soit, mais que ces mecs sont juste des monstres. Il y a pas de nom en fait. Ouais. Y a pas de nom et j'espère que voilà ça. Ils vont les arrêter rapidement et que tout ça va prendre fin parce que ça commence à faire long aussi. Et on sera tous là aussi dans les différentes manifs dimanche. On pourra vivre ça sur l'antenne de Skyrock avec Difool notamment et toute l'équipe. On vous fera vivre ça dimanche. Et peut-être qu'on pourra te passer aussi un petit coup de fil, Black N, si tu fais quelque chose. Yes, sûr et certain, je serai présent. Mais là, on est là pour une heure de nocturne. Yes. On va se changer la tête, mettre du son rappé. Yes. Et surtout nous donner tes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là sur ces derniers mois, Black N? Écoute, ces derniers mois, ça a été beaucoup de studios, tu vois, pour moi et pour les autres. J'ai développé aussi la partie auteur-compositeur. J'écris beaucoup pour d'autres artistes, compose aussi pour eux. Et puis vraiment concentré sur cet album, sur ce deuxième album, tu vois. Il y a eu beaucoup de titres et j'ai eu envie de me repositionner aussi, de reprendre un petit peu le flambeau aussi, j'ai envie de dire, que j'avais laissé, c'est-à-dire que donner de la musique de manière un peu spontanée. Donc là, il y a eu deux mixtapes là en un mois que j'ai donné, le College Blackout et puis là la Quintessence qui fait un bon bordel. Donc on peut trouver où alors? On peut aller cliquer où? Voilà, sur tous mes réseaux sociaux. Elle se trouve sur un site en particulier qui s'appelle Haute Culture. Ouais. Donc faut aller la choper gratuitement là-bas. C'est une mixtape qui est hostée par DJ Mist, mon gars Mist, qui aurait dû être là ce soir, mais malheureusement il est pris autre part. Donc un big up à lui. Tout comme on salue Jay Carré qui est dans le coin. Big up à lui et ma main Jay Carré qui est présent. Et puis la Quintessence qui est présente et qui fait un bordel. Et puis qui annonce bien l'album qui va arriver normalement printemps 2015. Donc on se revoit dans pas longtemps, ma main. Et ben on va profiter de toi. En attendant, on débute avec un morceau qui s'appelle Seul. Yes, on débute avec un morceau qui s'appelle Seul. C'est un morceau d'ailleurs qui est extrait de l'album. C'est le premier inédit que je donne de l'album Seul, produit par mon gars Mike Bangers. Donc allez, on roule. Nocturne, Black Ent. Soigner, oh yeah. Pourquoi mentirais-je? Quelques belles pierres sur le collier XO pour le gosier, oh yeah. Pourquoi mentirais-je? Pourtant je me sens seul, seul, seul. Oui, oui, chercher l'erreur. Pourtant je me sens seul, seul, seul. Oui, oui, chercher l'erreur. Oh na na na. C'est ton boy Black. C'est ton boy Black. C'est ton boy Black et je suis solo sur le mic. Je te jure, jamais mollo sur le track. Polo sur le torse, Black. Vas-y, follow si t'es dac. Rollo si les claques battent. Black, c'est Colo qui les tape. Tono si c'est Jack, je frappe. Y'a des lolos qui dépassent. Au-dessus des Watt, MC. Au-dessus des Sharks. Au-dessus des Sharks. Oups, au menu c'est Watt. Oups, Black Fly. Autopilot, pas de photo qu'une écrase. Et je fais ce qui me chante. Ouais, même l'autotune est dac. Photo sur les Mac, Black Fly. Moto sur les vagues. I'm back, va leur dire que I'm back. Enchanté, I'm Black, et comment va? I'm Doula, comment je suis? I'm solo, mais hang deck, y'a Fula, y'a Tula, y'a Sula, argent jeune, yang, moula, m'arrive tout ça, lâche vie, donc normal, y'a Kuba et sa rap face, ou pas, mais sur ça, je vais pas me prononcer. Comment arrêter un truc, y'a rap, commencer? J'ai de l'or sur le poignet, de l'air pour me soigner, oh yeah, pourquoi m'en dirais-je? Quelques belles pierres sur le collier, XO pour le gosier, oh yeah, pourquoi m'en dirais-je? Quand je me sens seul. Seul, seul, oui, oui, chercher l'erreur. Pourtant, je me sens seul, seul. Seul, oui, oui, chercher l'erreur. Oh, nanana. Et mes potes veulent une grosse frappe. On va brûler micro et track. Pas besoin de bus. Ma nouvelle girl vient d'ailleurs, connaît rien au rap. Je dis, je te présente Black, pas besoin de plus. Et quand je dis Black, je parle de Kent, pas du Watty Boy. Je donne le lap, il fout le dawa comme le Watty Boss. Ouais, Black, il bosse, famille, sauce, rapidos, l'ami. Adios, ami, gosse, j'arrive, pose, l'ami. Baggy Bob, l'ami, Blacky depuis Pop, Danny. Bad boy, Puff, Daddy, Sally, Pop, j'mani. Vas-y, cogne, Blacky, donne, Bobby, sauce, Maki. Si t'es bonne, vas-y, didi, donne à daddy, daddy. Laddy, daddy, Blacky, Blacky, parle à anybody. Anybody, everybody, everybody, body. Mais sur ça, je vais pas me prononcer. Comment arrêter un truc qui a commencé? Yeah. J'ai de l'or sur le poignet, de l'air pour me soigner, oh yeah. Pourquoi m'en dirais-je? Quelques belles pierres sur le collier, XO pour le gosier, oh yeah. Pourquoi m'en dirais-je? Quand je me sens seul, seul. Seul, oui, oui, chercher l'erreur. Pourtant, je me sens seul, seul. Seul, oui, oui, chercher l'erreur. Oh, nanana, nah, nah. Oh, nanana, nah. Trop de nana, on m'a dit sois patient, j'ai un flot de malade. C'est l'histoire du singe qui évite les peaux de banane. Simba, trop de nala, Clark, trop de lana. Jungle, mais je suis seul car je suis trop malade. Aïe, oh là là, Blacky John, ma man. Love life, live life, mais bon, trop spavane. Trop de varane, baby boy, flot de bassane. Et dans ma recherche du bif, j'entends trop de salade. Et je suis easy quand je kick, mais même Mos balade. J'ai pris des coups, mais je suis debout grâce à Dieu et aux frères. Et je sais que j'ai une armée derrière, et pourtant je me sens seul. Seul, seul, oui, oui, chercher l'erreur. Pourtant, je me sens seul. Seul, seul, oui, oui, chercher l'erreur. Oh, nanana. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Yes, ça c'est Antidote. Un big up à ma man Hype. Hey. Moi je suis anti-langue de timbre. J'ai peur de pas me réveiller. J'écris dans une antichambre. Renoir, j'anticipe. Moi je suis anti-antichambre. Je suis derrière le mic comme Pippen et l'anti-pop. V'là mon antidote, inutile et l'anti-chambre. Anti-langue de timbre, anti-colon, anti-bac. Si t'écoutes Ken, c'est que t'es anti-anti-black. Nous c'est anti-lèche, vrai au point d'être anti-mèche. S'il faut on se mouille, on est anti-anti-sèche. Je suis anti-anti-bled et je suis anti-anti-clac. Blackie anti-brel, mais je suis anti-anti-jack. On rap, on donne la fièvre, prévient tous tes anticorps. Et si je tombe pour elle, c'est que je suis anti-anti-port. Anti-expulsion, anti-facho, anti-tol. Anti-facho, quand la route tourne, même si t'as mis l'anti-vol. Anti-pied sauveur, tu peux dire que je suis anti-blackie. Black aux antipodes, rien à foutre si ça. La quintessence m'emmène, va chercher ça. Depuis l'antiquité, anti-zéro, anti-crash, tu peux anticiper. Anti-flip, ayo quartier, je t'ai vu, man. 7-6 music, toujours dans le building. Anti-nas, va mon antidote. Direction le dernier étage, m'emmène. Anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti- Je le répète, je suis anti-bac, mais pas anti-diplôme. Non. Pour tous ceux qui tournent en rond, moi je suis anti-cyclone. On peut faire derrière la lune, anti-NASA. Et en solo ou en bande, jamais anti-Gaza. Anti-injustice au max, nous c'est c'est anti-Hagar. Et quand Siri parle, mon iPhone est anti-Bachar. Jamais retourner ma veste et je suis anti-placard. Mais je suis anti-bâtard, anti-anti-bagarre. Hey, je suis anti-toute ta clique si vous êtes anti-Afrique. Je suis anti-muselière, quitte à être antipathique. Jamais anti-pathique, mais je suis anti-crise du disque. Mais tire jamais rouge. Loin, c'est des anti-prise de risque. Je comme tout le monde, moi je suis anti-ennemi. Ayo, l'album arrive. Pour mon plaid, jamais anti-ethnie. Ça va être jamais anti-lope, surtout quand il fait nuit. Ça c'est mon blême pro, anti-Julie, let's go. Moi c'est anti-anti-black depuis l'antiquité. Anti-zéro, anti-crash, tu peux anticiper. Anti-flic, anti-back, anti-anti-shocker. Anti-suiveur, anti-nas, voilà mon antidote. Anti-anti-anti-dot, anti-anti-anti-anti-anti-antidote. Anti-anti-anti, moi c'est anti-anti-black. Anti-anti-anti, anti-zéro, anti-crash. Anti-anti-anti, nous c'est anti-genoux à terre et puis anti-trouillard. Ayo, on se laissera pas faire, on lâchera pas la ferme, mais on sort. Anti-mito, anti-case, et on dit taré. Arrête de pousser, tu commences à devenir trop. Trop gelard, ma mère. Anti-conseillère au school, c'était volume 1, allez chercher us. Nous c'est anti-canier, moi c'est anti-pour ma gueule. Des rimes anti-personnelles, je vais direct au boss. Moi c'est anti-personnel, moi c'est anti-anti-black depuis l'antiquité. Anti-zéro, anti-crash, tu peux anticiper. Anti-flic, anti-back, anti-anti-shocker. Et oubliez pas, c'est pas du rap, c'est de la médecine. Anti-anti-anti-dot, anti-anti-anti. Anti-anti-anti-dot, anti-anti-anti. Moi c'est anti-anti-black, anti-anti-anti. Anti-zéro, anti-crash, anti-anti-anti. La vérité, la quintessence, volume 1, téléchargement gratuit. Tu peux trouver tout ça, c'est 16 titres. Inédit Blackie. Vrai rap, vrai MC, tu connais. Et on reprend les affaires, tu vois ce que je veux dire. No trap, just rap. Pour vrai. C'est la nocturne avec Black Kent au contrôle de la nocturne. Et on contrôle la zone. Un petit mot de ce morceau, l'Antidote. Écoute, Antidote, c'est un morceau. Ça fait partie de ces morceaux-là que j'ai fait pour l'album et qui avait vraiment sa place dans cette mixtape que j'ai fait avec Hype. Donc un big up à Hype qui a produit ce titre. Donc ce morceau, voilà, c'est un morceau qui est un peu revendicateur, qui me fait juste prendre une certaine position par rapport à certaines choses. Mmh. Qui est un morceau très punchy et je vous invite à aller le chercher sur la quintessence volume 1. Et donc on peut cliquer pour avoir pour l'instant c'est du gratuit Black Kent. Exact, ça fait deux mixtapes que je donne là, mec. Tu vois, je vais encore donner du son avant la sortie de l'album. Je vais venir avec des nouveaux freestyles pour t'emmerder au Planète Rap, tu connais, comme d'habitude, hein. Et voilà, faut aller chercher ça en masse et faire tourner ça en masse. On est de retour 2000 Kent, c'est son année. Yes. De retour. Et on va repartir. Il y a un gros freestyle de prévu, hein, je dis ça pour les gens qui nous rejoignent. Yes, il y a un très très gros freestyle de prévu. C'est une de tes spécialités aussi. Ouais, t'aimes kicker. Exact. Moi, je suis un kicker. Et je pense qu'en ce moment, ça manque un petit peu. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que Lino est revenu. Son album est dans les bacs. Faut aller soutenir. C'est un gros, gros, gros album. Et je pense que voilà, le kick et les MC et la spontanéité, ça manque un petit peu ces derniers temps dans le rap français. Donc voilà, je vais donner ce qui me manque, on va dire. Et ben on est reparti pour une nouvelle session avec Black Kent. Yes, nouvelle session. Qui ouvre avec le scalpel. Yes, scalpel. Ah, oui, 6. Tu m'entends? Go. Monte le son dans le casque un petit peu. Aïe. Un gros big up à Wiss avec le scalpel. Dream si te rappelle, j'ai un rencard ce soir, hein. Que l'instru se fasse belle, c'est gouache et pastel. Jack et pas de brel, tous mes pics dans mon phone, des piqûres de rappel. Écoute, v'là le bled, sorti d'un Marvel. Ton héros n'est up dead, à what je casse dead. Si l'instru n'est up bonne, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? J'ai flingué les faces B, je veux les A comme Castel. Un, deux, c'est ça le thème, boy, c'est ça que t'aimes. Le cauchemar du rap safe, bandit, c'était ça le rêve. Je pétais les faces B, ils me disaient dégage, crève. T'as pas ta place, Ray, je leur disais c'est actuel. Maintenant les faces B, leur technique de market. Et dans tout leur Black B, y'a des faces de Black Kent. Ça vient du scalpel, ouais, du scalpel. Et je danse avec les stars, si la flic c'est Amel, ah. Y'a des flammes et pas de flemme, ah. Je viens d'Afrique, y'a pas de blême, nah. Et pour les feats, y'a pas de gêne. Moi, c'est chantilly black. Quand je les fouette, ça passe crème. Ok, on marcelle, on veut du scalpel. Moi, j'écris à MTL. En hiver, on marcelle. J'suis frais, j'ai Samuel et tout par tel. Et j'martèle que j'suis prêt. J'suis dans ma bulle et j'mets les voiles. C'est Apmel, c'est black. Vendeur de rêve, on voit des cauchemars par mail. C'est Dak, j'suis qu'un riz comme la 125 à Harlem. Et j'vis de la SACEM, j'pira depuis ça, j'aime. Pas assez rappeur pour eux, mais assez pour IM. Et ouais. Mon premier album par terre, et j'ai mis mes rêves en charter. Et j'ai plus les mêmes partenaires. Y'a des choses à parfaire et des choses à pas refaire. Et si j'avance pas, je perds. Ma famille est funky, le ministère est ta mère. Et c'est volume 2, je vais pas le faire. Échec, ça va le faire. V'là le slogan, ça. C'est pas du rap, c'est de la merde. Sin made in blade. Phil, si t'es ledge, t'auras chiffre et puis lake. Businessman, lettré, je veux des chiffres et des lettres. 7-6 sur les têtes, l'élève à chiffler le maître. Celle-ci, c'est 17, le type du blade. Wifi dans les airs, j'envoie mes piques du jet. On m'a dit, tu feras gaffe à tous ces types que du fake. Et pour eux, j'ai plus de vue comme dans leur clip du net. Gilbert Montagné, t'inquiète pas, j'entends bien. La seule fois que t'as pris un jet, c'était un verre de 27. Et je lâche des rimes du bec sur beat que tu check. On sait pas d'où tu viens, ouais, comme les frites du grec. Ta petite qui acquiesce comme les types de la caisse. C'est le mic que je blesse et puis le pic que je dresse. L'équipe est obèse, prête clean et Rolex. Si j'ai la tête en l'air, c'est que je viens de nickel hôtesse. Plaque 2-5, moi je viens d'Afrique du bled. Pas de bol à fratoni, les cicatrices du nègre. J'ai les jeans sous les fesses, les teams venus des States. Je laisse tellement de bleu que même les flics tu les check. C'est pas de la zik pour les schnecks. Black et Florence, je vais me casser au Mexique pour les fêtes. Kidnapper les MC et je les jette. Ouais, ici on fait les choses un peu comme Pete et le secteur. Un big up au secteur. Mais c'est dead. Gros big up au secteur. Chez les Z, de me kill trop et faire. Non, je t'ai vu. Et t'as celui qui se lève tôt. Et Black a déjà la trique au réveil. Une mille pour réveil, besoin de micro et taille. La mif, tu veux un fit, gros bébé. Je suis lisse comme un layer, autiste dans l'oreille. Et j'articule mieux que quand les mythos bégayent. Beaucoup de merde tourne et leur clique mes cœurs. Moi je cogne tous les beats, je rends stérile les beats, mes cœurs. Même Meno, homo, je répète. J'ai Joko et Herb. Je fais ce qui me chante comme si mon poteau c'est Drake. Chez toi y'a pas de style comme sur une photo de Drake. Un day, comme dans le moto de Drake. Chine, Mozo et Z, ils s'auto-éjectent. XPTDR, comme dirait Moko et Lek. Tu sonnes faux comme tous les tirs de mes ex. Tu tiendrais pas le coup même face au pire de mes 16. Je t'explique le conseil, car ta tigre en laisse. Elle a vu plus de clubs que le tigre en caisse. Et quand je dis tigre, je parle de Tiger. Oui, je m'empresse, Tiger Club. Des phases de fou depuis le 113. T'entends des mini moi, ouais, c'est mon style que je prête. Mais je fais une croix sur eux, ce sont les kiffes du prêtre. Vendeur de rêve a fait mentir les faibles. Sentir les textes, un peu remplir les caisses. J'ai toujours pas dit oui à leur caprice de schneck, quelques chanteuses de zouk et autres actrices d'inette. Tu parles sur moi, mais moi j'estime que tu m'aides. Et je reste frais, ouais, comme la clim du bled. Oui, oui. Et j'aurai le dessus sur leur titre de merde. Scalpel, volume 2, c'était le 6 du maître. Ah, je crois qu'elle est bonne celle-là, oui. Ayo Skyrock, ça c'est pour les couches tard. Ah. Faut aller chercher la quintessence, volume 1. Vrai rap, et vrai MC, pour vrai. C'est pas du rap, c'est de la médecine. Oui. Aïe, deux frères, c'est toi qui es DJ là ce soir. On dirait que tu vas choisir d'appuyer sur play. On va faire un pull up. Aïe, tout ça, ça se trouve sur la quintessence volume 1 en téléchargement gratuit. Un big up à ma main DJ Mist. Go! 100% rap français. Yeah. Hey, tu connais. Blacky, tu connais. Blacky dans le beat. Un pour le bled, deux pour tout le reste. On m'a dit tu peux pas, donc du coup je teste. Je vous invite dans ma bulle, vous êtes tous guests. Je viens de caresser la lune, who's next? Peut-être bien la fille en rouge là-bas. Si je dois mouiller, ben je prendrai une douche là-bas. Elle m'a dit viens on bouge, j'ai dit dac dac. Elle veut saouler Black O'Jack, joue au blackjack. Yeah, je reste fly comme l'hélice. Elle dit on fait quoi, je la saute comme Félix. Boom Garner, j'ai le flow charmeur. Et j'ai ça dans ma main, donc je la connais par cœur. J'ai une meuf rue, je l'appelle Vodka. Son nom est trop compliqué, je l'appelle Vodka. Et si elle me saoule, je passe au rhum, j'arrête. Y'a son homme, j'arrête. Quant à moi, je reste frais. Shorty, tu le sais. Pourquoi me dire stop? Shorty, tu me plais. Je suis venu avec mes rails, rien de suspect. Tu doutes, rembobine et rappuie sur play. Play. Shorty, tu me plais. Tu le sais, elle veut tourner un film dès que je change de chaîne. Donc je mets la dorée dès que je sors. Viens pas si t'as tes règles, c'est la règle d'or. Posé dans ma bulle, chèque, je gêne. Un monstre dans un fleuve, je suis une bête de scène. Saute dans mon fer, je me mouille sans rouiller. Je te déposerai après, laisse les bugs s'embrouiller. Quant à moi, je reste frais. Shorty, tu le sais. Pourquoi me dire stop? Shorty, tu me plais. Je suis venu avec mes rails, rien de suspect. Tu doutes, rembobine et rappuie sur play. Play. Shorty, tu me plais. Shorty, tu me plais, rembobine, stop, rembobine, stop, shorty, tu me plais, rembobine, stop, shorty, rembobine, tu me plais, moi, je reste frais, shorty, tu le sais, pourquoi me dire stop, shorty, tu me plais, je suis venu avec mes rails, rien de suspect, tu doutes, rembobine, et rappuie sur play, play, shorty, tu me plais, tu le sais, shorty, tu me plais, tu le sais. Hey yo, ça c'était Play. Un big up à ma man, Mike Bangers, une fois de plus. C'est le petit boy aux manettes, Blackie. La quintessence volume 1, en téléchargement gratuit en attendant l'album. L'album c'est pour printemps 2015. Vrai rap, vrai MC. Pour vrai. Yes. C'est ton boy Black. Black Kent au contrôle de la nocturne ce soir pendant une bonne heure avant d'attaquer le live d'ici quelques minutes. Yes. Black Kent et ce morceau qu'on peut retrouver. Ouais, ce morceau qui tourne en télé aussi, ce morceau qu'on peut retrouver sur la Quintessence volume 1 en téléchargement gratuit, morceau qui est produit par ma man Mike Bangers une fois de plus. Donc faut vraiment aller chercher ce concentré de rap, ce concentré de phase, de kick et de spontanéité. J'ai essayé de donner le truc le plus naturellement aussi possible. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Les gens le ressentent, les gens l'ont ressenti. Il y a encore des gens qui réagissent à cette mixtape et ça fait plaisir. Bah dites-nous d'ailleurs, envoyez des messages. Et pour te suivre, toi, Black Kent, pour les gens qui veulent t'avoir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. C'est Black Kent. Vous tapez Black Kent sur Google avec le réseau juste à côté. Vous tomberez sur toi directement. Tout simplement. Bon, avant de passer au live, on refait une petite session de deux morceaux. Exact. On va faire une présentation de deux titres encore. Un titre qui s'appelle 1-2, qui est produit par ma man JC et qui, avec en collaboration mon boy Billy Bats qui a rejoint l'intérieur de Toulouse, qui a rejoint l'écurie 76 Music l'année dernière. Donc ça c'est ton label, hein? Exactement, ça c'est mon label. Il a rejoint l'écurie l'année dernière, il travaille sur son projet qui va arriver courant 2015 aussi. Et Billy qui a balancé du feu sur ce Sommor à concept. Donc un big up à JC. Le morceau s'appelle 1-2 et le sample il est... Est-ce qu'il a expliqué Billy Bats qu'un jour il est parti à New York grâce à Skyrock? Non. Il t'a jamais dit ça? Ah, dossier, faut qu'on l'appelle. Ça, vous êtes pas au courant de ça? Ah non, faut que t'expliques là. Et bah, il y a un bon petit moment déjà, il y a plusieurs années, il avait gagné un concours. Oh! Et le gain, c'était de partir enregistrer un morceau à New York. Ah ouais! Il vous avait pas dit, okay. Il vous avait caché ça, hein? Ok, ouais, il nous a caché qu'il avait des... J'ai d'autres dossiers sur lui aussi. Oh shit! Mais c'est vrai que son nom est revenu régulièrement et j'ai passé une grosse dédicace. Ouais, un gros big up, il sera là dans quelques semaines. C'est un sacré kicker aussi. Il viendra faire un. Ah ouais, bah, tu vois, dans l'écurie, il y a que des frappeurs. Un big up à C4 aussi. De 76 Music et ils seront tous là pour m'appuyer pour la sortie de l'album donc voilà, là la Quintessence volume 1 il a balancé du feu sur ce Sommor, allez checker, là c'est toi le DJ, tu vas balancer, go 1-2, un big up à Young JC baby, wouh. fou. Un coup de chaîne, deux chaînes. Une meuf de chienne. Oui, oui. J'aime les matchs, je veux des problèmes. Je veux des. J'aime les matchs, je veux des problèmes. Un coup de chaîne, deux chaînes. Une meuf, une ouais. De chaîne. Oui, oui. J'aime les matchs, je veux des problèmes. Hey, hey. J'aime les matchs. Skyrock. Un style, un style. De chaîne, de chaîne. Une étoile, une étoile. De paix, de paix. Un Renoir, un Renoir. De keuf, de keuf. Une taille, une taille. De meuf, une mille, une mille. De petit, de petit. J'ai qu'une fille, j'ai qu'une fille. Donc je suis de spi. Un black, un black. De mon. Aïe, je le répète, la quintessence un volume 1. Allez télécharger ça gratuitement. Un boule posé entre deux chaînes. Billy. Un boule hésite entre deux quêtes. Carré. Une gifle et ça coûte de l'œil. Sif. Un dizzy. De feuille. Une heure. Une heure. Deux tracks. Deux tracks. Un verre. Un verre de Jack. Une tille. Une tille. Et de la belle. Y'a qu'un quête. Et pas de ma belle. Yeah. Un coup. Un coup. Deux chaînes. Deux chaînes. Une meuf. Oui, oui. Deux chaînes. Deux chaînes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. Un coup, deux chaînes, deux chaînes. Une meuf, deux chaînes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Un spliff de crack, un kiff de femme Billy dans un Bats. Lit de blague. Toulouse. Une arme pour ton esprit, j'ai un nez. De poumons, je suis et je respire. Ils ont un coup de pompe, j'ai les deux pieds dans les lames. Je prie qu'un dieu, deux fois la mienne et la leur. L'enfer n'a pas la même chaleur. Pisse sur tous tes objets de valeur. J'ai une chance de plomb, une chambre de plomb, un coffre de 100 Billy. Kilos d'afghan. J'ai qu'une vie et je la ride comme deux packs de glace. J'ai jamais cru la hype, négro, une balle de crâne. Et le matin, je suis fly, négro, un cap et deux flammes. Je la fais monter au sky pendant un jour et deux nights. Une heure de track. Donc prépare le cash, ouais. Négro. Un compte de crédit, donc ramène le cash. Ouais. Une cible, pas de récit. Uh-huh. Une team, pas de récit. Uh-huh. Une street, pas de récit. Uh-huh. Une ville, pas de un coup, deux chaînes, deux chaînes. Une meuf, deux chaînes, deux chaînes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. Un coup, deux chaînes, deux chaînes. Une meuf, deux chaînes, deux chaînes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. J'aime les matchs, j'veux des problèmes. Problèmes. Problèmes. Hey. Rip. Rip. Rip. La quintessence volume 1, allez chercher As. Que de la frappe, que du kick. Et pour vrai, yeah. Blacky. Pour vrai, yeah. Woo. Et en big up à Billy Bats, Toulouse, on en sent. Beat. Il y a deux frères, c'est toi aux commandes. Hein. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ayant la vérité une fois de plus, mon petit boy, Mike Bangers aux manettes, Blacky pour vous servir. Moi c'est vrai négro, tu le sais négro, c'est négro, ce que je fais négro, qui le fait négro, qui est prêt négro, moi je suis prêt négro, et puis je suis loin négro, les gars, vrai négro, check ça plein négro, vérifiez mon numéro dans la tape avant d'appeler plein négro, Blacky player aux manettes avant la plein négro, tu peux me voir sur les champs avec du plein négro, j'suis con plein négro, c'est concret négro, crée négro, y'a que quand je t'invite au tableau que tu crées négro, ah. Prends bobine et prends ta claque. Je Heidi Klum avec un boule parce que je suis cil. Mais sans balafre tous les jours. Mon sang se balade parce que je gratte. Ouais, comme un Yankee. Petit, on voulait qu'elle on faisait le mur comme un petit dumpty. Je suis passé de petit rurti à vrai négro. Désolé, je fais ça sale et sale. Fais négro. Moi, c'est vrai négro. Tu le sais, négro, c'est négro. Ce que je fais négro. Qui le fait négro. Qui est prêt négro. Moi, je suis prêt négro. Et puis, je suis loin. Négro, moins négro, les gars. Vrai négro, pour mes vrais négro, être à sec, j'connais guère. Jour de paix négro, on m'a dit taf. Même le premier jour de mai négro, et comme dans le pays pauvre, y'a pas de mai négro, sois censé négro, c'est négro, pas besoin de parler tout bas. Tellement de flow en studio, j'respire à travers un tuba. Plein de feuilles de Cuba, d'un album de Luda. je viens du futur comme si je me posais sur l'album de Booba. Bien entendu, néga. Il pleut des cordes, c'est pas un temps. Et un quartier, si tu fais les bacs comme néga. D'habitude, tu veux que soit tendu. La quintessence, volume 1, aller chercher As. Ta meuf veut une berce. Dis, aller chercher As, bébé, bébé, moi, c'est vrai négro, ouais. Tu le sais, négro, c'est négro. Ce que je fais négro, qui le fait négro, qui est prêt négro, moi, je suis prêt négro, et puis je suis loin négro. On est pas. Vrai négro, ouais, un vrai ego, il fait pleurer les faux négros et en fait d'ego, ouais, dans plein négro, je fais trembler plein négro, et les petits bonhommes riz jaunes, les Lego, Lego, Lego, c'est parti, oui, oui, c'est le bon, hein? Professeur Ken, dis-moi qui fait le con, hein? Si fait le pion, Mike, qui fait le son, ta meuf à la télé, Big Téléthon, rapport à la carte, je m'aiguise les dents, kilo dans la main, je me vise les gens, les petits et les grands, j'ai les bides, j'ai les fans, les liqueurs me saoulent, donc je tease les gants, je déguise les jambes si tu dis que je mens, dis-loup dans mon lit, je veux six éléments. Au-dessus de ceux qui me disent des sens, si tout ça ne roule pas, j'utilise les jantes féminines. Mais qu'est-ce t'as fait, miskine? Je suis changé de flow, j'ai de flow. Truc de vrai négro, moi c'est vrai négro, tu le sais, négro, ce que je fais, négro, qui le fait? Et y'a la quintessence, volume 1, téléchargement gratuit, allez chercher. Moi je suis prêt négro, et puis je suis négro, moi négro. Je t'ai dit, moi-même. Vrai aussi. Pour vrai. Hey yo, Blacky, ton boy Black. C'est 2015, je t'ai déjà dit, vrai MC. Y'a pas de blague ici, y'a pas de. Pas de blabla bizarre. Micro, ça frappe, ça kick. Vrai rap. Et pour vrai. Et tu le sais. 100% rap français, planète rap. La nocturne. C'est la nocturne. Pour français, pour rap. Oh shit. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, il y a des trucs bizarres qui se passent ici. Vivement cette fin de semaine. Oh wow. Et qu'on passe, j'espère, à autre chose rapidement. Yes. Mais en tout cas, on est content d'avoir Black N pour justement passer un petit peu à autre chose et penser à autre chose avec toi ce soir, avec du rap, ça kick. Exact, ça kick, ça frappe, ça. Et ce morceau qu'on écoutait, on peut le retrouver. Ce morceau qu'on écoutait, on peut le retrouver toujours sur la Quintessence Volume 1. Un gros big up à Mike Bangers une fois de plus qui a fourni. Qui a lancé une grosse foison de prod fat sur cette mixtape. Donc un big up à lui. Et voilà, vrai négro, c'est une fois de plus la technique de la phase. Ça sautille, ça rebondit, ça flow. Donc allez chercher ça, la Quintessence Volume 1 en téléchargement gratuit. Je compte sur vous. Et l'album arrive. Bon, est-ce que tu es prêt maintenant à relever un challenge? Toujours prêt, ma mère. Est-ce que tu es prêt à kicker pendant quoi? 15-16 minutes? Ouais, exactement. C'est 15-16 minutes non-stop. Je crois que ouais, on n'est pas loin des 16 minutes. Ouais, c'est exactement ça. C'est non-stop. Je t'ai dit, à chaque fois que je viens ici, c'est pour retourner les studios. Donc, tu peux déjà enlever ton hoodie, etc. Genre, on va s'arrêter. Ouais, il n'y a pas de pause. C'est non-stop. Black. C'est une prise maintenant. Exact. En direct dans l'émission avec Black Kent. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Allez, freestyle. Pour la nocturne 100% rap français. Hey yo, c'est ton boy Black. Une pensée pour tous ceux qui nous ont laissé cette semaine. On se laissera pas faire. La vérité, Black, je l'ai déjà dit, être artiste c'est être libre. Et ça je vais le crier haut et fort jusqu'à ce qu'ils l'entendent partout. La vérité. Get up, I get Blackie, n'est jamais, la France n'est jamais, hein. Et j'ai un cœur de roi, du sang d'esclave dans les veines. T'as des phases dans tes chansons, j'ai ma vie dans les miennes. J'ai appris qu'on les gêne, et les stories finissent mal d'où je viens. Mais bizarre, c'est ainsi qu'on les aime. Celle-là c'est pour les petits de chez moi, qui bien trop vite ont grandi. Et pour ces nouveaux esclaves, qui bien trop vite ont brandi leurs chaînes et leurs grosses bagnoles. Je vois le château de ma mère, comme les mots de bagnole. Éviter les fausses paroles, mais je viens à Paname, ici c'est la savane. Aller dire aux terroristes, les singes ont la banane. Et rajouter que je suis bien dans ma cabane. On fait ce qu'on veut, mais je suis l'espoir de la maison comme Varane. On fait ce qu'on peut, à l'écart comme la Corée. J'attends de scorer, et même les singes ont déserté la forêt. En forêt, je vais dire enf, mais je le dis pas, car ma mère écoute. Et je fais cette zic que ma mère a peur que son père écoute. Mais dites-lui que je traîne avec des loups, je suis au lit avec des chiennes, élevé par une lionne. J'ai ma vie avec des hyènes. Zona, c'est dur comme fer. Dédicace à Florange, adepte de partie de jambes en l'air. Dédicace à Solange. Et je suis chanceux car maman a été une bonne mère. Quand les mères d'aujourd'hui veulent être des bonnes mères, ça fait du squat quand le petit attend qu'on gère. Le plus triste en vrai, c'est que le petit attend son père. Et je l'ai dit, on se laissera pas faire. On lâchera pas l'affaire. Non, Blackie, être artiste, c'est être digne. Non, c'est être libre, tout simplement. L'Afrique n'est jamais, Blackie n'est jamais. Non. Hey, on passe aux choses sérieuses. Hey, c'est ton boy Black et je suis solo sur le mic. Je te jure, jamais mollo sur le track. Polo sur le torse, Black. Vas-y, follow si t'es dac. Grolo si les claques pas. Black, c'est Colo qui les tac. Tono si c'est Jack, je frappe. Y'a des lolo qui dépasse. Au-dessus des watts. MC, au-dessus des chars. Au-dessus des chars. Whoops, au menu c'est watt. Whoops, Black fly. Autopilote, pas de photo qu'une écrase. Et je fais ce qui me chante. Ouais, même l'auto, tu n'es dac. Moto sur les vagues, Black fly. Photo sur les mags. I'm back. Va leur dire que I'm back. Enchanté, I'm Blacky, comment va? I'm Doula, comment je suis? I'm solo, mais high tech, y'a Fula, y'a Tula, y'a Sula, argent jeune, young moula, j'arrive tous à l'âge vie. Normal, y'a Kuba et Sarap, face ou pas, mais sur ça, je vais pas me prononcer. Comment arrêter un truc, y'a app, commencer? Et y'a des frères, la quintessence, volume 1, allez chercher As. Sky, Gigi, Blacky, pourquoi mentirais-je? Pourtant, je me sens seul, solo. Hey, Curtis, je me sens. Hey, seul, solo. Seul, solo. Hey, écoute. Oh, nana, trop de nana. On m'a dit, sois patient, j'ai un flot de malade. C'est l'histoire du singe qui évite les pots de banane. Simba, trop de nana, Clark, trop de lana. Jungle, mais je suis seul car je suis trop pas là. Aïe, oh là là, Blackie John, my man. Love life, live life, mais bon, trop spavane. Trop de varane, baby boy, flot de bassam. Et dans la recherche du bif, j'entends trop de salade. Et je suis easy quand je kick, mais même Mos balade. J'ai pris des coups, mais je suis debout grâce à Dieu et aux frères. Et je sais que j'ai une armée derrière. Et pourtant, je me sens seul. Solo. La quintessence, volume 1, allez chercher As. Je l'ai dit, ça frappe, ça rappe. Vrai MC, et pour vrai. Et pour vrai. Appuie sur play, pour vrai. Hey, écoute. 1 pour le bled et pour tout le reste. On m'a dit tu peux pas, donc du coup je teste. Je vous invite dans ma bulle, vous êtes tous guests. Je viens de caresser la lune. Who's next? Yeah. Peut-être bien la fille en rouge là-bas. Si je dois mouiller, ben je prendrai une douche là-bas. Elle m'a dit viens on bouge, j'ai dit dac. Elle veut sous les black au jack, je veux au black jack. Yeah. Je reste fly comme l'hélice. Elle dit on fait quoi? Je la saute comme Félix. Baumgartner, j'ai le flow charmeur et ses seins dans ma main, donc je la connais par cœur. J'ai une meuf russe, je l'appelle Vodka. Son nom est trop compliqué, je l'appelle Vodka. Et si elle me saoule, je passe au rhum, j'arrête. Y'a son homme, j'arrête. Quant à moi, je reste frais. Shorty, tu le sais. Pourquoi de dire stop? Shorty, tu me plais. Je suis venu avec mes rails. Rien de suspect. Tu doutes, rembobine. Et rapper sur play. Shorty, tu me plais. Hey. Tu le sais. La quintessence, volume 1, allez chercher As. Vrai rap. Vrai MC, je l'ai dit. Je suis venu avec mes rails. Rien de suspect. Curtis, Sif, J, rien de suspect. 76 Bees, non, rien de plus vrai. J'ai tout ce qu'il te faut, rien de plus vrai. Rien de plus vrai, non, rien de plus vrai. Charlie, t'es trop loin, viens plus près. Double sens, Kent, écoute quand je cause. Rembobine et press play, tout doux quand je pose. Pour l'instant, tu me plais, si tu te penses, je t'aime. Elle veut tourner un film dès que je change de chaîne. Donc je mets la dorée, dès que je sors. Viens pas si t'as tes règles, c'est la règle d'or. Posé dans ma bulle, chaque que je gêne. Un monstre dans un fleuve, je suis une bête de scène. Saute dans mon fer, je te bouille sans rouiller. Je te déposerai après. Laisse les boucs s'embrouiller. Quant à moi, je reste solitude. Pourquoi me dire solitude? Je suis venu avec mes rien de suisse. Tu doutes, Rambo? Et rapis sur play, solitude. Hey, et tu? Hey, et tu? Hey, et tu? La quintessence, volume 1, allez chercher H, je l'ai dit. Y'a de la frappe, du rap. Et y'a deux francs, on va reprendre un petit classique là. Tu vois ce que je veux dire? Et écoute. Yeah, v'là le Black Pharaon. Même si je sais que je suis toujours pas là-haut, j'ai pour habitude de me faire rare comme un Kalao. C'est mon modo, un son de île pour île, elle et qui m'aime me suivre. Mais dans ma vie, y'a pas de bouton follow, y'a pas de bouton flow. Un fly bout en train, je devais faire mon chemin en avion. J'ai fait un bout en train, on joue, on traîne, homie. Toujours le dernier dans la salle, et quand je kick une face B, c'est que je m'entraîne, homie. C'est le retour du pipe, Retour du pirate, retour aux pyramides. Viens les piquer comme chaque piranha dalle. Ça fire à la main. Black converse, les fringues griffes. Et donc si je mange, je deviens Black Panther. Depuis les Black Panthers, Black renverse les idéolos. J'y et je mène une vie d'écolo. J'suis génie en air, j'suis génie en Teddy, en Stan Smith et Yébi en vert. Jaune, violet, vivre en paix et périr en guerre. Je lève mon verre à Gilo. Je m'attaque au classique comme si je laissais la guerre à Reebok. Je marche en banque comme des gazelles à la recherche de belles demoiselles comme Christophe Maé. Et je représente les miens comme Denzel. Tu tires au salé, je suis rare mec. Vol comme le papillon, pique comme le dard mec. J'emmène le beat en balade. Moi et le mic logique comme dire qu'il est malade. On veut du pif, pas bouffer ce salade. Salade, et j'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, donc les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mon seul guide. Retour aux pyramides après des siècles. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? La quintessence au lune, je t'ai dit que ça me rappelle, ça rappelle. J'ai de la force pour les frères. Gratis. Les étoiles, mon seul guide. L'album arrive, ma mère. Retour aux pyramides après des siècles. Et on prend pour un ouf parce que je m'attaque au classique de Hill. Je mets la pression comme le nom de famille de Phil. Je suis Superman avec ses habits de ville. Là, les amis, je chill. Et je marque mon temps comme le Zavi de Cille. Je suis de la famille de Nil. Je suis la lune et le rap, mon fer de lance comme la caisse de ce cycliste dopé à 7 titres. Maillot jaune comme la sec, des instincts basiques comme Douglas, c'est bon on achète. Et v'là du sang sans machette, casse des gueules comme Machete. Le Black Square dans ta ville, Wakatep, Bamboule, Blackie, indomptable comme ma coule. Et si tu dis que tu m'acquènes, c'est que t'as fait ton trou, ma poule. Et le devoir m'appelle comme le jour du bac. En fait, mon rap choque comme un noir qui joue du bac en baggy Teddy. Et te mets au tapis comme au judo. Boxe le beat comme Chozo ou bien Razel. T'as fait plier le roseau, t'as d'un joujou Jojo. Et je décroche pas comme quand t'appelles en Zoro. Et te fais trembler comme Poro, Prince. On veut tout ce que les joueurs de Paris brassent. Les matchs de Paris à la coupe de Paris. Match les checks de l'épaule viennent des pogo. Cavale comme Polo, Carpe Diem, YOLO. Et les impacts de balles sur le bus du Togo. Dur à avaler comme quand ton frère crache dans la soupe. Nous on fait notre truc, rien à foutre. La vérité, on fait notre truc, rien à foutre. Ça fait un petit moment qu'on le fait d'ailleurs. 76 Music, tu connais. La quintessence, va chercher, l'album arrive. Hey, et j'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nickel. Hey, nickel. Les étoiles, mon seul guide, retour au 1. Yeah. Et j'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Et j'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mon seul guide, retour aux pyramides après les. Ailleurs, le Collège Blackout, il est aussi en téléchargement gratuit. Faut aller le chercher. Blackie, la quintessence aussi. Tout ça, hein. Et Paris, Paris. Ton boy Black, tu peux m'appeler Blackie. Et Babi, Babi. Plaidard en France, et ouais, c'est ça que je vis. Ils disent que je suis ap seul. Que dans ma tête, je suis ap seul. Que pour WAM, je rappe, mais pour eux, je parle seul. Mais je suis convaincu depuis que j'ai mis d'accord Roger. Que j'ai de quoi faire perdre la boussole à l'horloger. Pas dans les petites notes des bookmakers. Et les programmateurs disent le bookmaker. Mais les bougs, les sœurs kiffent et boostent mes cœurs. Quand la vibe en transfert, venez voir un concert. Hier, encore j'étais avec mes grands frères. Ils disaient Black, Black, faut pas t'en faire. N'a ok, Dak, Dak, ils m'ont dit non, Jack, Jack. Et les plus grandes victoires viennent après les grandes guerres. Mais marre des messages, des sages m'amènent. Ils savent que Black, il est à la page, m'amène. En studio, quand beaucoup sont à la plage, m'amène. Et quand ils nagent, moi je flow. Black rap m'amène. Et pour vrai, come on. Et quand je serai plus hal, qui sera le plus sale? Blacky, hein? Come on. Dites-moi. Et quand je serai plus hal, yeah. Je crie fuck le système et les systémeurs. Dites aux gens qui kiffent Black et Optique Seller. Dites aux gens qui pensent rap que je suis des leurs. Dites qu'on gratte et tous ces objectifs qu'on rate. Ils aimeraient qu'on reste en bas, qu'on baisse les bras. Donc, en concert, les mains en l'air, les gars. J'ai du sang pour les diolas et pour foutre des claques. Et je mentirais si je disais rien à foutre des charges. Parce qu'ici, on veut des lovés. Un vie au détracteur et deux chaînes au cou comme si je portais le rappeur. On m'a dit va en cours, deviens docteur, c'est pas le con. Mais le seul docteur milliardaire que je connais fait du son, yeah. Black il veut rêver, bat les couilles des critiques. Même ton rappeur préféré pris des cours, des gimmicks. Les briseurs de rêves sont à court de limites. Je suis hal pour de vrai, les autres autour visitent pour vrai. Come on, yeah. Et quand je serai plus hal, qui sera le plus sale, yeah. Come on. Et quand je serai plus hal, dites-moi Paris. Ton boy Black, qui peut m'appeler Blackie. C'est Blackie, Babi. Le de dessin, c'est ça que je vis, ça que je vis. Et Bordeaux, et Bordeaux. C'est ça qu'on m'appelle Frankie Porno. Et pour vrai, cranky porno aussi pour les gentilles, la gente féminine. Hey yo, aujourd'hui je suis là devant mon gars Fred et mon gars Curtis, ma main Jay, tout simplement parce que j'ai plus rien à perdre. Écoute, on court derrière les gens, on court derrière le temps, et ça marche parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et on fait tout ce qu'il faut, on se bat contre tout ce qui est faux. On est dans le vrai quand on n'a plus rien à perdre. C'est cet homme face à lui-même qui me suive, qui m'aime en vrai, car je n'ai plus rien à perdre. J'oublie pas qui je suis, ça c'est dans mes veines. J'étais un homme libre bien avant l'échec. C'est le son des bandits, c'est le son de Gandhi. Un, deux, c'est le son des bandes, des petits qu'on grandit, c'est main d'eux. Et depuis le temps, j'ai semé des phases, récolté des bagues, il a mis. J'ai cogné le beat et botté les caisses, appelle-moi Black, il a mis. J'ai raté, je devais, je suis tombé relevé, c'est charmé. Et rappelle-toi de Black, tout ce que je faisais était charmé. Et là, c'est la même, j'ai passé l'enfer. Et plus bas que terre, j'ai pris mon pied, vous mettez les bras en l'air. Ok, ok, mais passez la crème, c'est pas là la peine. Tu bosses jour et nuit, à quoi bon si t'es pas là l'après-midi? Je suis debout quand t'es couché, je pose même quand t'es posé. Mais je n'attends plus, je suis venu, j'ai vu, j'ai passé le temps de causer, j'ai passé le temps d'espérer. Maintenant je dis l'espéra. J'ai vu ma mère et mon ex pleurer, qui vivra paiera. C'est toujours l'art et les phases, l'ami, je gratte depuis casque ami. J'arrive en paix comme un casque ami. On court derrière les gens, on court derrière le temps, et ça marche quand on a plus rien à perdre, ma mère. Et on fait tout ce qu'il faut, on a plus rien à perdre, tout ce qu'il faut. 2015, quand on a plus rien, la quintessence volume 1, allez chercher un. C'est gratis, vrai rap. En vrai, car je n'ai plus rien à perdre. Si t'as douté, t'es un jaloux, t'es vaincu. Viens de ça, on n'a plus rien à perdre, ma mère. On va rappeler un petit peu de fait, on finit comme ça. Fuck being on some chill shit. Je devais laisser passer la 2, prends some real shit. Yeah. Mais les rappeurs oublient de faire vite. Donc tasse de thé en main, bats les couilles comme Kermit. Oh là, pas de stress, j'suis au beurre, négro. Personne ne tient ma plume, j'suis auteur, négro. Et mes concurrents finissent en pleurs, négro. Je le catch, lance des pics qu'ils reprennent en cœur, négro. Oh là, toujours rookie, oui, je sais. Mais j'prends 2-3 rookies pour mon entrée, s'il te plaît. Et j'prends 2-3 bullies avant de rentrer, s'il te plaît. Qui le fait bien, fait vite, fait stylé, stylé, oui, je sais. Tout retourner, oui, je fais. On me demande où t'étais, j'suis désolé, je pilotais. J'suis de retour, j'm'y remets. Retour entre guillemets, dans mon assiette, qui je mets. Last deck, pas de break, my neck, pas deck, high deck, mic check, bat 16, bat braise, bat laisse, ah laisse, casquette, basket, canette, batch, neck, magnet, black Kent, I am black Kent, I am ma grève, ça j'aime, pas thème, v'là l'thème, clash, Kent, pas blême, pas flemme, grave zen, j'agresse, ah l'aide, ah check et ah sec, v'là mon very bad bled, pas de tessie, v'là l'bled, j'ai une very bad cred, wave, OG, pas de crête, baguette, des casquettes, j'rappe depuis la peste, et puis Steffi Graf, yes, j'veux une very bad bitch, dans mon very bad clip, bad clip, steady cam click, very bad click, click click, very fly chick, very bad hip, lipstick, very sale tip, very sale beat, high kick, medical trip, véritable shit. Ils diront que j'ai le flow de ASAP, Ness App, ça me plaît, app, vest cap, solo comme en vest app, stress app, j'fais que passe, eh, fast text, abstrait, parfait, capt, is app, est-ce que ça le fait? J'passe la cinquième comme si je viens de doubler Lille ou LOL, lame longue, ligne létale comme les balles à l'esprit, ledge comme le lilet, profond comme local, black. Logo, local, c'était la lettre à l'ino. Mais moi c'est B comme boy black depuis Big Bang au bout des babines. Break beat, bad bar, boy barge comme Brody, Brandy dans le body, Big Bridge, Brandy, les brindis brûlés au bec, Benzen, pas d'ici comme Denzel. Si tu captes la phase d'ici, Washington, Denzel, j'fais que buzzer. On dit que j'ai pas brûlé le beat, pourtant j'fais que braiser. On dit que j'ai pas fait mon trou, pourtant j'fais que baiser. J'parle les mecs, ciao, black les mecs, ciao. J'ai le 7 sur le dos, comme la last, c'est les sao. Non, j'veux dire comme Cantona, Beckham, Cristiano. Et personne passera derrière sur le beat, c'est Tristano. Blonde bien fraîche, négro, 8-6. J'veux 8-6, pas de Jack, j'veux de la 8-6. Blonde bien fraîche, négro, 8-6. Me tape pas avec les autres dans tes tweets, bitch. Parce que j'suis X-Men comme Hill, bitch. Lil Wayne, pas Lil Twist. J'ai les clés comme Swiss Beats pour les verrous comme Kiss Kiss. Lux, j'ai des Kiss Fist. On sait jamais, sont tous presque parfaits. Comme le dîner sur la 6, bitch. Moi, j'leur donne un 6, bitch. Pour big up leur pochette. Et puis, j'prends leur pic-pic, ça m'aide pour mes brochettes. Au moment où je te parle, on vient de shooter des gens parce qu'ils s'expriment et ça me rend dingue. Moi, je suis libre comme l'art. Tu sais que ça va venir comme Floyd contre Pacquiao. J'ai le pinceau de Basquiat, là, c'est pareil de Warhol. Tu sais que ça se passe là où j'ai les gants de Balrog. et tout flinguer comme sur Rap Genius, t'as ma parole. C'est money avant les caresses. Je suis solo sur ma falaise. Et Wack MC, j'ai une dent contre toi comme Suarez. Donc approche si t'es balèze. Chez nous, y a pas de clim. Poteau, sort de la cuisine si tu veux app faire un malaise. La quintessence avant l'album et le gros lot. Blackie, je suis le premier sur le rap comme Lolo. Je m'arrête, claque, car Curtis fait signe, y'a les mollo. C'est comme ça qu'on crame le micro. Bonne nuit, allez, dodo. Hey, je peux vous dire, alors, parce que c'est de la radio, que le mec a tout donné, hein. Merde. Les lunettes sont remplies de buée. Le corps est rempli de sueur. Ah, bah, c'est un mec, c'est un rappeur qui mouille le maillot je et tout, quoi. Ce que je veux dire. Gros live à l'instant. Merci Black Kent, hein. Ah, si merde. Tu ris à l'instant en live. Pour l'invitation, tu vois, ça fait plaisir de pouvoir faire ça comme ça en live et s'exercer et montrer que le hip hop et le rap c'est encore de la performance, faut pas l'oublier, c'est de la performance. Bah oui, parce qu'on a beaucoup parlé de cette vague trap où c'est exactement, et moi je le dis, no trap just rap, faut pas oublier que c'est de la perf et faut venir mouiller le maillot et faut montrer aux gens qui nous écoutent et qui nous soutiennent que qui sont pas dans le faux. Et tu vois, à chaque fois que tu me donnes la parole, j'essaie de leur montrer qu'ils sont dans le vrai. Bon, alors cette année Kent, qu'est-ce qui va se passer cette année Kent, l'album là, ça va être nouvel album. On va certainement balancer encore un peu de son là, mais le premier extrait de l'album il arrive là bientôt, dans quelques semaines. Et puis l'album il va arriver, il est printemps 2015, hein, tu vois. Je t'ai dit c'est 2015 là, donc 2015. Donc même toi-même, tu vois, protège-toi parce que tu risques de recevoir des trucs, des coups, des punchs à gauche à droite, tu vois. Tant que c'est des punchlines, ça va. Tant que c'est de la punchline, ça va. Je peux me les prendre. Et pour suivre d'ailleurs toute l'actu, je vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux de Black Kent, hein, allez cliquer, allez voir. Et ils sont super actifs, c'est toujours Blacky au contrôle, Blacky aux manettes. Faut aller chercher la quintessence volume 1, toujours en téléchargement. Je vous ai dit, c'est de la frappe, du rap, du kick, il y a de l'âme. Je donne un peu plus de moi là-dedans et ça, c'est vraiment la meilleure mixtape possible pour présenter l'album qui va arriver là. Et bah écoute, on te souhaite une belle année 2015. Bah écoute, merci de vrai. Merci d'avoir été là, merci à Curtis qui était dans le coin, à Jay Carré aussi. Et à tous ceux qui t'accompagnent, le label aussi, hein, avec des sorties 76 pour le label. Yeah, 76 Music, si fort, il va balancer du son là encore cette année. Et puis Billy qui a préparé son projet toute l'année dernière, Billy Bats, qui va arriver là cette année. Faut rester au contact, rester connecté. Eh ben on reste au contact. Merci à toi vraiment Black Kent en tout cas. Merci Fred. Et la nocturne continue maintenant. Ciao. Ciao ciao. Planète Rap. 100% rap français. Allez, c'est reparti pour la suite de la nocturne avec monsieur Elino VLB. Ce qu'on écoute maintenant, Elino, on le retrouvera encore lundi avec grand plaisir dans Planète Rap. VAL 2 heures, gosse suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3 heures, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric, le béton crame, on réplique, on les canne, lève le majeur. Faut niquer les rageurs. Faut sortir le croco, chargeur plein dans les locaux, on nageur. Un autre truc, prend de la laser. Le filtre est Marocco, la 90 Air Max, la joue Kaiser. S'oser les films Marocco, j'rappe à la faveur des halls explosés de nos vies low cost. Varial, col blanc rouge navigator, Guerville 6 commissariat, lâche la colle, donne le spliff sur mon alligator. Y'a des bouettes, survêt, Roland Garros, roule, fais les fils du carrosse, 20 gourettes, fil à Châtelet, racole, 3/4 cuir épaulette, j'puis en vis à sa rose. JM Weston, Scott Cosmos, Kaya 90s. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, elle est dramatique. Soirée coupe-gorge. Des centaires ERD, coupe gorge, bon puissant, pile à embrouille, pente glissante, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5, 4, 9, 10, les baskets, blanches, vidées. 8, 10, 8, 10,

Si tu veux me localiser, je suis dans l'anus de la bourgeoisie et dans le cœur des villageois. Merci, t'as bien fait de te raviser. Sagement revenir sur tes pas. Sache que disque d'or ou pas, au fait, je t'aurais tétanisé. Oui, dis au petit de la cité. Y'a pas de sous-métier, et qu'à l'école il faut rester sage où il reste de la place sur rinté. Bonne rentabilité, journée bonne, nos meufs sont bonnes. C'est mal visère, mais c'est de la bonne. Tu fermes ta gueule, tu prends ce qu'on donne. Ça débite, moi j'arrive plus vite que les indiques, crache mon place à l'arrière du 308. On se démerde, rien à foutre de pousser ta pain. Être célibataire à la Saint-Valentin, c'est mieux qu'être orphelin, la fête des mères, c'est mieux. Le monde est infâme, tous nés pour mourir dans l'arène. Pareil que plus la mort est brutale, plus les funérailles seront belles. Le monde est infâme, légères sont les causes, lourds sont les drames. On creuse ta tombe, on t'arrache ton âme. En une seconde, tu perds 21 grammes. On va te la mettre, si tu fais pas belle et gros. On va te la mettre, j'ai le portefeuille plein, j'ai le cœur en guerre. Tu me sens comme Walter White quand il fait sa mère. Et tellement de classe que je peux me payer ça en verre pistache. Oh, triste l'héritage, je suis le seul rescapé du naufrage. Je te brûle la gueule à la cible, c'est pour voir ton vrai visage. Oh, test, violence, bitume, haine, routine quotidienne. Casse ma liasse dans ton sac l'enseigne. Bébé, si tu m'aimes, j'aime les chiennes, j'ai un gros problème. Je crois que j'aime trop les thèmes. Infirmière, secrétaire, je vous laisse toutes les collégiennes. Et je suis meilleur, t'es bon à rien. Affectueux comme un koala. Les anciens, je les calcule pas, car je comprends pas. L'araméen, en vrai de vrai, je sais pas ce que nous réserve le destin. Aujourd'hui je te mets des doigts, demain je te demanderai peut-être ta main. On va te la mettre, si tu fais pas belle et gros. On va te la mettre, j'ai le portefeuille plein, j'ai le cœur en mieux. Tu me sens comme Walter White quand il fait sa mère. Amstramgram, laisse les bastosphères. Check mon Instagram, changement d'atmosphère. Putain, qu'un plus pur que la chatte d'une vierge. Appelle-moi Amsterdam ou bien Heisenberg. On va te la mettre si tu fais pas belle et gros. On va te la mettre, j'ai le portefeuille plein, j'ai le cœur en guerre. Quand il fait sa mère. C'est la nocturne, 100% rap français, Sadek. Dites mon nom. Sadek. Dans la nocturne, 100% rap français, là c'est MC Diox. C'est Heisenberg. À découvrir tout de suite. Planète Rap, 100% rap français. J'ai répondu que le game est une conne en ficelle. Un peu naïf, un peu nerveux sur les bords. Explosif comme un cocktail, ne parle pas de cartel. J'ai le fond et la force, c'est le retour du rap que j'attendais. Les drogues comme le rap m'entendaient. J'prie Dieu pour rester entier, c'est décidé. 2014, j'ai décédé, tout s'est pété. Ouais gros, c'est mon comeback, la meilleure défense c'est l'attaque. Pour ça que j'm'attraque, j'm'attache à nos terres. Kinshasa, Braza. Allume le 8, décolle poteau, fume sur ton joint. Dégomme-le, on aime la vie, le vide, la vitesse. Les meufs bien et les connes négueux. J'suis trop dégueu, un pro sous Genja, gros j'fais que des dégâts. Fonce des sous Jack D, j'veux pas jacter, donc avec que j'parle pas. J'dévisse tes vis, de vis, l'armata, on est béni. Sortez les treillis, kaki, c'est pas la guerre, mais sortez les mbéli. Ok, sur la tête de ton meilleur MC que j'rappe, ne plie ma gueule. 93, 77, on dort, se lève avec la voix. Le rap, ça va, tout ça cassera. J'suis pas de ces merdes qui se mettent en guerre pour un bout de buzz. Veux savoir si MC en tête me dépassera. J'suis pas dans le game mais dans le rap français. À deux doigts de s'écra, ouvrez la porte de la réussite ou j'serai obligé de la défoncer. Pour voir mes exploits sur YouTube et ma zone, et Joe sera que les singes sortent du Congo pour être enfermé dans un zoo. La journée j'perra dans un plan. Le soir gros j'irai, souvent j'décapite ou j'écarte, mais généralement j'arrête. C'est sur la tête de ton meilleur MC que j'suis là pour la gagne. 2014 on se propage comme la gangrène ou comme la gamme. J'ai trop dormi, j'ai plus sommeil, j'viens d'en bas, j'vise le sommet. Cette année si Dieu veut MC Job sera exposé au sommet. Eh qu'on se pas gourmandise et avoir la dalle. Moi j'ai la dalle d'après ma rage de bonne. Et d'après ce que les gens disent, moi il n'est que la vie en chantier, chantier. J'suis pas enchanté, chanté. Chaque jour que Dieu bénisse le ciel et Dieu de me laisser entier, entier. La prod est lourde, elle pèse 33 100 kg. Connexion Paris-Bordeaux, dédicace à Enzo mon gars. Ils ont réussi à plier l'Afrique, j'ai plié le rap de manière fatale. J'pense à gagner la guerre, c'est salope, j'pense à gagner la bataille. Yama. Rap français 100% explicite lyrics. Ulta Meeple record. Le lion est dans la jungle. El hombre. AMG. Démarre le moteur. T'entends le bruit du bolide. On est gonflé. Argent. Musique. Gloire. Wesh. Y'a que ça de prix ou quoi? Sans pas le frère, oui. La dalle, comme si je sortais de tonnes de cravales, de balles, fusil, épaule. Écoute le bruit, ma fille ronronne. AMG, Doremi, façonne. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. AMG. Mercedes, AMG, je vais te sortir une dinguerie. Un vieux sage fait la grimace. Et tous les singeries, c'est mon tour. Laisse passer la carrosserie. Les vrais m'entourent. Les autres, c'est de la carrosserie. Master c'est rouillard, j'ai besoin de faire des sous. J'suis dans ma paranoïa. Depuis que le rap m'a déçu, l'espoir fait crever. Tu vois passer sous les pneus. Le soleil s'est levé. Fils de pute, éteins tes feux. Les vitres sont teintées comme la couleur de peau. Écoute le bruit du GT lancé plein pot. Mais qui veut me couper la route? Qui veut tester le pilote? J'suis validé par le hood. Sébastien Loeb, des rappeurs sont légers, c'est pour ça que ça passe traîne. Le coffre est chargé, je viens de passer la sixième. Ouvre pas le capot, sur ma vie tu vas baliser. J'ai les chenouches sur le dos, j'ai crié la voiture banalisée. J'ai la dalle comme si je sortais de colle. De cravane, de branle, fusil, épaule. Écoute le bruit, ma vie ronronne. AMG, Doremi, façonne. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. AMG. J'ai rien à prouver. Rap, game, clash. Je sais que si tu pouvais, tu prendrais ma place. J'ai plus le temps de réfléchir. J'accélère et nique sa race. Les jaloux vont pas maigrir. Ils vont fondre comme de la glace. Depuis le départ, sur ma vie, c'est la même. Argent, musique, gloire. Tout ça c'est que de la merde. Mais on fait les bails. On est là pour prendre les ouf. Demande à Jacques et Daniel. On baisse tout même quand on est ouf. Rapport de force qui t'a pété la boîte. Ma zig c'est un gonfard. Qu'on fait de la monnaie. Bad. J'suis dans le circuit. La putain de sa mère c'est mon tour. Au volant d'un AMG. C'est pas d'attraper un cheval qui court. Oh là là. Pression. C'est de la haute performance. Écoute le bruit du son. Ramène qui tu veux. On le mange. On peut crever enlevé sur une bécane un dimanche. C'est pas le gros qui est volé, sort le AMG de la grange. J'ai la dalle comme si je sortais de colle. De cravane, de balle, fusil, épaule. Écoute le bruit, ma vie ronronne. AMG, Doremi, façonne. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. AMG. Ça paye pas, je vais monter sur un braco. Si le rap ça paye pas, je vais monter sur un braco. Pour un million de pieds pas, délit de fuite en vago. Un million de pieds pas, délit de fuite en vago. Je sais de quoi ça parle, y'a plus rien à dire. Argent, musique, gloire,

besoin de personne. Amen, Père, amen, Père, amen, Père. Et dans toutes les villes de France, tous nos enfermés, je pense à Jeff et il me manque. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Certifié vrai. Partie 2. CV par les vrais. 91, toute la force. Avec moi. C'est comment on fait, tu sais qui on est. Rafale dans ta grand-mère, dis bonjour à mon pote. Check ton arrière-grand-père de la part de mon blog. Patate, matraque, massue, on les massacre, c'est des phoques. T'auras beau appeler Greenpeace, rien à foutre, mon négro, on est phoques. Tu sais, puis du quartier, Greeny 2, ambiance globe. Terminator, François, Yarkov, mort, Mathias, Paul. Vidant, verre, donc on tient feu, Transformers sans spawn. Pierre qui roule, mais rien à voir avec les Rolling Stones. Et on fume du béton. Voir des fantômes, j'entends des voix d'où tout tombe me dire je suis pité chaud. Tu veux monter sur qui? Sur moi, j'espère que t'as des armes. Ouais, grâce, tu te mords comme ça, tu parles en agra, tu vas cry. Les rappeurs sont des lopettes, alors je les pèse en levrette. Check la queue, le. Ouais, je les pèse en brochette. Ta pute a une belle bouche, mais de loin je préfère sa chatte. Gorge profonde, je suis dans le coup, à quatre pattes, je lui mets un one. Ouais, je danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. Un coup de bigo et on me dit l'armure à Tony Stark. Plus d'enregistrement que KGB, la NSA. Sans l'homme de bac 91, Patrice Evra. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. Nos passes en performance, toujours pute. Pas les couilles de ta soi-disant qu'on ne sourit pas. Replié sur nous, on ne connaît pas, on ne sourit pas. Dos au mur, face au hasard, Magog n'hésite pas. Ces fils de pute ne volent pas droit, Magog clique-clique pas. Projecteur sur nous, des terres dans le cheval de fer. Ancré dans des sales affaires, donc de rigueur à le faire. Me pousse pas à bout, Magog, je vais le faire. Prie pour ton salut et rejoins tes ancêtres. Démarre au quart de tour que pour l'honneur et la maille. Ma gâchette n'a pas de cœur, aucun place sous mes balles. Je me sens gros dans le sens de grand négro. T'es derrière moi, je suis grand négro. Démarre au quart de tour que pour l'honneur et la maille. Ma gâchette n'a pas de cœur, aucun place sous mes balles. S'il faut creuser des trous, négro, je vais le faire. Prie pour ton salut, check ton arrière-grand-père. Je danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. Un coup de bigo et on me dit l'armure à Tony Stark. Plus d'enregistrement que KGB, la NSA. Sans langue de bois, 91, Patrice Evra. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, paye le gardien de but. LMC Glic, DGC, la famille. 9-1, Calonge à la brode. C'est comment on fait ma gueule. Juicy P à l'instant dans la nocturne. Planète Rap. Sur Skyrock. Il revient dès lundi dans Planète Rap entre 20h et 21h. Monsieur Lino, L-I-N-O. L'album sort lundi aussi. Je voulais écrire une merde positive, mais mon style refuse. Pour ceux qui voient la rue comme une mer, mes mots fusent. Au kilo, c'est mon refuge. Le rap traverse l'enfer sans ventilo, sans clim. Macadam philo, Beretta Franklin. Mon arme chante et je marche seul comme dit l'autre. Je vous laisse rêver d'un monde sans crime. Crever, je m'arrache sur mon îlot, douleur sans cri. Je suis revenu du brasier en footing. Je diffuse mon savoir, je fais des drive-by shooting. C'est mort, ça commence à se voir.

Je n'en vis qu'une escale, j'ai du mal à tourner ma veste. Le mal me traverse comme si j'étais cancéreux. Je vais te parler clairement, t'es la guerre, je compte marquer l'histoire. Rien à foutre qu'on me traite comme une star. Je suis dans le game pour détrôner le boss. C'est pour ça que j'esquive le mode star. C'est la guerre, je compte marquer l'histoire. Rien à foutre qu'on me traite comme une star. Je suis dans le game pour détrôner le boss. C'est pour ça que j'esquive le mode star. Partout où je vais, j'ai peur qu'on me violente par les mots. Parfois je vais bien, parfois je suis limite parano. Je me sens nu comme ces femelles qui t'attire par le mensonge, par les querelles. On les baise comme d'hab, on les baise comme d'hab. J'ai du mal à faire ce mandou, j'ai du mal à prendre sur WAM. Encore les mêmes qui m'affrontent, ils vont peut-être faire au sol, ils aillent pousser la fonte. On les baise comme d'hab, on les baise comme d'hab, on les baise comme d'hab. J'ai du mal à faire ce mandou, j'ai du mal à prendre sur WAM. Encore les mêmes qui m'affrontent, ils vont peut-être faire au sol. Ils aillent pousser la fonte, on les baise comme d'hab. Ok. Ils veulent ma tête, comme d'hab. Ils veulent ma tête, comme d'hab. Ils veulent ma tête, moi je te le dis qu'ils veulent ma tête. Comme ils veulent ma tête, comme d'hab. Ils veulent ma tête, comme d'hab. Comme d'hab. Yeah. Comme d'hab. Comme d'hab. Ils veulent ma tête. Ils veulent ma tête, moi je te le dis qu'ils veulent ma tête. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Jarod, comme d'hab. Comme d'hab. Nocturne continue maintenant avec monsieur Poison. Comme d'hab. On les baise comme d'hab. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. What else? On a ramené les cobres, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les ganda, en coro, le nerf en poids. Tout ça c'est nous, tout ça c'est nous. Je crois qu'ils n'ont pas compris que je les baisse depuis le dictateur is back. La récréation est finie. Sors ma hutte de mon bunker. Ton rappeur préféré est un pompeur. J'ai trop traîné en bas. Personne ne m'a renvoyé l'ascenseur. Rafa qui s'est pédé. Bambata est bêlé. Bafuka, Bambata m'a aidé. J'ai encore la dalle négée, je vais pas céder. Je n'attends pas que mes deux hommes valides pour m'acheter du Versace. Appelle-moi roi du Zaïr. Je n'arrête pas de te le dire. Traîne avec des fouteux, t'as dû me voir dans une soirée ou deux. Regarde-moi bien rageux, je t'envoie une bouteille et se met hors jeu. Bolingue, nini, Bolingue, attends, bon, yini, yini, t'as drive, voyons, mini, voyons, un crime, mort, zini. On a ramené les cobres, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les granda, en coro, le nerf en poids. Tout ça c'est nous. Tout ça c'est nous. Toutes ces bitches qui parlent sur moi, je leur souhaite qu'ils attrapent sida. Tout ceci c'était pas du trap, mais un putain d'assassinat. Megaz, Ali, Thomas, yeah. Un docky dans le poula, yeah. Ça y est, j'étais pas, yeah. Opération Likofi Kulunada. J'vais entre le bled et Panam, visulé au parc Saddam. J'vois que les meufs en guise de j'aime, sur Instagram. Toi, arrête tes blabla. Quand on sort le truc, ça fait blabla. Continue aux opés sans la canda. Je faisais des choix à race à Mukanda. J'ai connu trop de galères. Avec le BDJ, je faisais mon salaire. J'ai beaucoup trop de douleurs. Reçois la coupe de ma colère. Aouh! On a ramené les cobres, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les granda, en coro, le nerf en poids. temps d'avance sur vous. À l'époque, ils foutaient de notre gueule. On portait du Versace, des pantalons en cuir. Et aujourd'hui, tout le monde porte des pantalons en cuir, ma gueule. Cuir. Trop d'avance, comme Jim Nagios sur Jamel de Bruce. Hein? Planète rap 100% rap français. Ouais, la famille RM apostrophe S. Yeah. Pour la nocturne de Skyrock, Big Up à Fred et bonne année à tous. RM apostrophe S. Rams. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Bientôt je vais tout péter, ça va pas tarder. Je vais tout droit, je rate pas ma cible, oui j'ai le rôle d'une fusée. Je veux tellement marquer les gens que je veux mon blast dans un musée. Aga, c'est abusé, dans mes clips y'a pas de fusil. On fait tout ça pour s'amuser, pas besoin de montrer des fusils. J'ai rappé sur toutes tes prods, des rappeurs se tuent aux prods. Allez hop, ça les pop, tu parles, mais je sais que t'es crocs. Demande à Willow, mon ami ou par Salom. Et son rap réchisse comme quand tu bouffes ta glace, allô. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Bientôt je vais tout péter, ça va pas tarder. Ok, si t'as n'insiste pas, je renferme trop de mystère. Quand tu m'écoutes, c'est comme si t'avais fumé 10 d'air. 20 piges, tente d'enfoirer, soyez barré, fais pas taré. Je risque pas de me barrer, laisse-les parler, ça me fait marrer. Oui, poto, ça kick, sévère, fais pas ce vie. Avoue que t'es vert, si je sévis, fais pas le déter. Moi perso, j'arrive pépère, je suis pas vulgaire. Mon style bouffe la peau comme un ulcère. MC t'es périmé, des concerts donnent le cancer. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis, ça va barder. Bientôt je vais tout péter, ça va pas tarder. Pour oublier tes soucis, toi tu fumes comme un rasta. À part ça, tu nous connais, c'est 9-4, tu te masta. C'est quand t'es dans la demeure que y'a personne à part ta mère. Tu l'as compris, c'est la galère, les gens sont là pour ton salaire. Tu dis que tu m'aimes mais c'est bizarre. Moi je te crois pas, tu dis que tu m'aides mais c'est bizarre, moi je te vois pas. Pour chanter faut la voix, pour la croyance faut la foi. La vérité faut la voir quand tu perds tout à la fois. Tenez-vous prêts, oui les amis ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis ça va barder. Tenez-vous prêts, oui les amis ça va barder. Bientôt je vais tout péter, ça va pas tarder. RM apostrophe S. Dans la nocturne. Apostrophe S. Apostrophe S. Apostrophe S. Apostrophe S. Le Pertissant. Mêlé. La planète Skyrock. Nocturne. Nouveau son de Blacko dans la nocturne. Et puis après, on finira avec un son de paix. On retrouvera Blacko et le 113 dans la nocturne 100% rap français. Il aurait peut-être même disparu à l'heure qu'il est. Je crois pas, 2014, check ça. Blanco Rise et on l'a mis. Ils sont pas prêts à leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici j'ai pu te dire. J'essaie de continuer à avancer. Même s'il m'arrive de faiblir. De mes sommes, générateur à faire parler, un public à surprendre. Ils veulent de la vibe, je vais leur en donner. Au fait, moi c'est Blacko, oui, si, tu connais. Frérot, va leur dire que j'ai gardé mon éthique. Que rien n'a changé, que je suis resté dans la même optique. J'essaie de rester simple, ceci n'est que la suite logique. Si je chante, je le fais toujours par amour pour la musique. Ils sont pas prêts à leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici, j'ai pu te dire. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Malgré les problèmes, les soucis, les galères, les mauvais plans, j'ai toujours positivé. La partie n'est pas finie, faut continuer d'aller de l'avant. J'ai encore une dernière carte à jouer. J'allais pas laisser tout tomber, vu le chemin que j'ai fait. Autant aller jusqu'au bout, qui ne tente rien.

nous le monde tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui rendez pas vos âmes. Comment yeah. rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable, dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. Minutes de paix sur un morceau, ça valait bien ça pour conclure cette nocturne 113. Blacko, un jour de paix à l'instant sur Skyrock. C'est fini pour la nocturne 100% rap français. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Se changer un peu les idées, se changer un peu la tête avec le son de Skyrock. Et se retrouver lundi avec Lino qui reviendra entre 20h et 21h sur Skyrock pour la suite et la fin de son Planète Rap. La sortie de l'album de Lino, loupez pas. Lundi 20h 21h et prochaine nocturne dans une semaine. Bonne nuit. Skyrock. Skyrock. Rap R&B. Non-stop. Dis-moi.